maintenant, faisons le portrait moral de Mireille. Au moral, elle est vive et elle a l'esprit rapide. Elle est intelligente, très raisonnable, très sociable, un peu moqueuse peut-être, mais elle n'est pas méchante du tout. Elle a très bon caractère. Bon, maintenant, faisons le portrait moral de Mireille. Le portrait moral. Le portrait moral. Faisons le portrait moral de Mireille. Au moral, elle est vive, vive, vive. Elle est vive. Elle a l'esprit rapide. Elle a l'esprit rapide. L'esprit rapide. Elle a l'esprit rapide. Elle a l'esprit rapide. Elle est intelligente. Intelligente. Intelligente. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle est très raisonnable, raisonnable, raisonnable, très raisonnable, très raisonnable. Très sociable aussi, très sociable, très sociable. Comment est-elle au moral ? Elle est vive et elle a l'esprit rapide. Un peu moqueuse, moqueuse, moqueuse. Elle est moqueuse. Elle est un peu moqueuse. Elle est un peu moqueuse. Mais elle n'est pas méchante. Pas méchante, méchante. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante du tout, pas du tout, pas du tout. Elle n'est pas méchante du tout, elle n'est pas méchante du tout, elle n'est pas méchante du tout. Elle a très bon caractère, très bon caractère, très bon caractère, bon caractère, très bon caractère. Elle a très bon caractère, elle a très bon caractère. Est-ce qu'elle est moqueuse ou indulgente ? Elle est un peu moqueuse. Est-ce qu'elle est méchante ? Non, elle n'est pas méchante du tout. Est-ce qu'elle a un mauvais caractère ? Non, elle a très bon caractère.